cimetière normande. J'aime bien les bâches. Je ne comprends pas pourquoi on en fait de la viande hachée. J'aime bien les vaches landaises, mais pareil qu'elles font mal. J'aime pas les vaches qui font mal, on les met à la poêle. J'ai appris pourquoi les hommes tuaient les vaches. Tu m'as pris pour un con, les hommes sont bien des tâches. Et les vaches ont des tâches qu'on ne peut pas confondre à cette tâche d'être humain qui ne sont que des lapins. Vache blanc me pêche, j'aime bien les vaches. Je ne comprends pas pourquoi on en fait de la viande hachée. J'aime bien les vaches Holstein, mais moi je comprends pas le français. J'aime pas les vaches étrangères, moi je vote Front National. J'ai appris pourquoi les hommes tuent les vaches. Tu m'as pris pour un con, les hommes sont bien des tâches. Et les vaches ont des tâches qu'on ne peut pas confondre à cette tâche d'être humain qui ne sont que des lapins. Des humains qui sont que des lèvres.